fake. Mon rap c'est que des faits réels. J'ai pas l'enfant terrible, mais j'emmerde celui qui fait les règles. L'instinct téméraire, là où les faits les règnent. Babylone c'est le cauchemar qui vient hanter mes rêves. Faut qu'on se réveille, si la guerre émerge à nous de préserver enfants, sœurs, frères, père et mère. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? Cette fois on dit non, ils s'amusent de nous, abusent de nous et leur vie s'en dit long. J'avance à cœur ouvert, pas forcément torse nu. Loin d'être en porcelaine, persécuté par ses forces et nul, mon talent c'est Sarko. Et tous ces automates, on matraque de désespoir. Voilà pourquoi le ghetto comate. Pour ce combat, je me donne corps et âme. Je place une pour nos frères et sœurs qui voient la vie se corséale. Dans leur décor, c'est hargne et douleur. Mais pour l'heure, j'avance avec des textes sobres et armes et de couleurs. La révolution est comme une bicyclette. Quand elle n'avance pas, elle tombe. Je fais ma révolution à ma façon. La paix, je n'envisage pas. La grecque ne lâche pas. Inspire la haine derrière mon visage pas. Le visage blême, je fais visage traîne. Pas dans le système, ceux qui gouvernent disent. Viens le bien, dis-moi ce que ça rapporte. Je fais ma révolution à ma façon. La paix, je n'envisage pas. La grecque ne lâche pas. Inspire la haine derrière mon visage pas. Le visage blême, je fais visage traîne. Pas dans le système, ceux qui gouvernent disent. Viens le bien, dis-moi ce que ça rapporte. Des mailles, si les petits ont pire que Nadal. Car dans nos poches, y'a pire que Nadal. La preuve, car dans ma ville, j'ai vu bien plus de raquettes que Nadal. Ma ville, Nadal, squat dans le port des plages que le port du gouffre. C'est vite, mais non pas tôt. Donc, mets les voiles, si t'es à port du coup. La vie se déroule comme un supplice. Y'a pas de surprise dans cette urbise. Certains subissent, moi ça me suffit. Car faut survivre, j'assure que je crise. Quand dans l'impasse, le vice me narque. Depuis que la France se fait des villes, moi je veux que Sarko arrête son cinéma. Assis sur le vide, sans le mix, ça dévite vite. Si le défi de ta vie, c'est le fric fiché de la face de la rime, t'es la victime. Faut que ma clique, ça passe sur un vinyle. J'ai rien dans la tête, sauf le souvenir d'une preuve qui crise en cours. Avoir le nombre de clochards, y'a pas que des puces à clignant cours, j'en quitte. J'm'en fous, j'fais pas de pause, pas de débat. La vie, c'est comme les meufs, y'a des hauts, y'a des bas. Des baffes, crois pas que j'en ai pris qu'une, j'étais la cune. Et si tu vois, j't'étue, c'est que j'ai atteint un stade où j'me fous qu'y ait personne dans les tribus. J'fais ma révolution à ma façon. La paix, j'n'envisage pas, la grecque ne lâche pas. Inspire la haine derrière mon visage pas. Le visage blême, j'fais visage traîne. Pas dans le système, ceux qui gouvernent disent. Viens le bien, dis-moi ce que ça rapporte. J'fais ma révolution à ma façon. La paix, j'n'envisage pas, la grecque ne lâche pas. Inspire la haine derrière mon visage pas. Le visage blême, j'fais visage traîne. Pas dans le système, ceux qui gouvernent disent. Viens le bien, dis-moi ce que ça rapporte. On change pas une équipe qui gagne. Y'a pas de place sur l'organigramme. Ça se fracasse le crâne avec ta amalgame. Crame les grammes de la Marie-Jeanne. Mais rien ne me calme, même la marinade. Pourtant quel beau mariage. Tel père, tel fils, on se noie pas dans la sangria. Mais moi je veux pas finir coincé à garder ces grillages. On verra bien comment mon futur le s'écrira. Pour pas changer, je reste le même avec les mêmes cris de rage. Je fais ma révolution à ma façon. La paix, j'envisage pas, la grecque ne lâche pas. Inspire la haine derrière mon visage pas. Le visage blême, je fais visage traîne. Pas dans le système, ceux qui gouvernent disent. Viens le bien, dis-moi ce que ça rapporte. Je fais ma révolution à ma façon. La paix, j'envisage pas, la grecque ne lâche pas. Inspire la haine derrière mon visage pas. Le visage blême, je fais visage traîne. Pas dans le système, ceux qui gouvernent disent. Viens le bien, dis-moi ce que ça rapporte.